بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on explique maintenant, on est arrivé au cours numéro 65 dans l'explication de Kitab al-Tawhid avec le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin et les commentaires de ce charh. Yani les commentaires que Cheikh Al-Fawzan a fait sur ce charh. Et on est en train donc d'expliquer le hadith qu'on a mentionné au dernier cours. C'était le hadith de Sahl ibn Sa'd, hein, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que il allait donner le drapeau, hein, ou la bannière à un homme qui aime Allah et que Allah aime. Et finalement, les gens se sont posé la question qui allait recevoir cette bannière. Et finalement, c'était Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit par la suite. Donc, au dernier cours, on a terminé d'expliquer le sens de ces propos dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan qui a expliqué le hadith en détail. Donc on va continuer avec cette explication maintenant. Qu'est-ce que Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit maintenant? Il dit Qala Cheikh Al-Islam à propos de Yuhibbullah wa Rasulahu wa Yuhibbuhullahu wa Rasuluhu, c'est-à-dire à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'il va donner la bannière ou le drapeau à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Il mentionne maintenant l'explication de Ibn Taymiyyah à propos de cette parole-là. Et donc il dit qala al-shaykh, donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit qala al-shaykh, Cheikh al-Islam rahimahullah, laysa hadha al-wasf mukhtassan bi Ali wala bil a'imma. فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج ولكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك ولكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. Ok, donc ici le cheikh il a mentionné une parole de Ibn Taymiyyah et dans cette parole il y a une réfutation des Rafida, il y a une réfutation également des Khawarij, d'accord? Et donc on va lire, premièrement je vais faire une traduction globale de qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a cité de la parole de Ibn Taymiyyah ici, puis ensuite on va lire à propos de cette parole-là, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan étape par point par point. Donc il dit de façon générale que cette description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à propos de celui à qui il allait donner le drapeau, et ici il mentionne Ali radiyallahu anhu, eh bien, il dit que cette description-là, du fait qu'il aime Allah et son messager et que Allah et son messager l'aiment, que ce n'est pas spécifique à Ali. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Ali qui a cette caractéristique-là, ni les imams, c'est-à-dire yani, ni les imams que les chiites, eux, considèrent comme étant les meilleurs, hein, ou parmi les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a cette caractéristique-là seulement. Il dit que parce que en réalité, Allah et son messager aiment tous les croyants qui sont pieux, hein, et qui aiment Allah et son messager. Donc, par rapport à ce point-là, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire aussi. Il dit, هذا رد على الشيعة الذين يقولون إن عليا أفضل أفضل الصحابة وأنه أحق بالخلافة. Donc, il dit, dans ça, il y a une réfutation donc des Shi'a Rafida. Ceux qui disent que Ali c'était le meilleur d'entre les Sahaba et que c'était lui qui méritait le plus le khilafa, c'est-à-dire d'être le gouverneur ou le dirigeant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit, par rapport à l'explication que c'est pas spécifique à Ali dans le sens que tous les croyants aiment Allah et son messager, et Allah les aime et son messager les aime aussi. Donc, le Cheikh Al-Fawzan dit, Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu kulla mu'minin, yuhibbuhu Allah, wa yuhibbu rasulahu. Yuhibbuhu Allah, wa yuhibbu rasulahu, wa yuti'uhu, wa yuti'u rasulahu. Donc ici, le Cheikh explique que ça, oui, c'est la vérité, dans le sens que Allah aime tous les croyants. Sans exception. Et il aime tous les croyants qui aiment Allah et qui aiment son messager et qui obéissent à Allah et qui obéissent à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est une règle générale dans l'islam pour tous les croyants. Bien entendu, hein, l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour ses créatures, eh bien, elle correspond aussi à leur niveau de foi et à leurs bonnes œuvres. Plus une personne est croyante, plus Allah l'aime. Hein? Et ainsi de suite. Et le Cheikh, il explique ensuite la suite de cette parole de Ibn Taymiyyah. Il dit, mais, yani, ce hadith-là, le hadith qu'on vient d'expliquer, qu'on a lu au dernier cours, de Sahl ibn Sa'd, il dit, ça c'est un des meilleurs arguments qu'on peut utiliser contre la secte qu'on appelle An-Nawasib. An-Nawasib, c'est le pluriel du mot Nasiba. Nasiba. Et qui sont An-Nawasib? An-Nawasib, ce sont ceux qui ont exposé ou exprimé leur haine de Ali, hein, qu'ils détestent Ali radiallahu anhu et qu'ils détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une secte, hein, qui sont à l'opposé des Rafida, hein, des Shia Rafida. Parce que les Shia Rafida, ils ont exagéré dans l'amour ou la prétention d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ils vont même jusqu'à les adorer en dehors d'Allah, à les vénérer en dehors d'Allah. Donc ça c'est du shirk. Et ils exagèrent dans la glorification et dans l'éloge de Ali radiallahu anhu et de ses descendants. Tandis qu'il y a une autre secte qui est à l'autre extrême de ça et qui, eux, détestent Ali et qui le déclarent kafir et qui ont de l'animosité envers lui. Et parmi ces sectes-là, il y a les Khawarij. Yani les premiers parmi les Khawarij qui ont combattu Ali, justement, radiallahu anhu. Donc, le Cheikh, il explique que ces gens-là, hein, Ibn Taymiyyah, il dit que ça, c'est, ce hadith-là, c'est un bon argument pour les réfuter, cette secte. Parce que les Nawasib, hein, ils ne prennent pas Ali, hein, ils n'aiment pas Ali. Il le déclare mécréant, il le déclare égaré, pervers, et ainsi de suite. Et ça, parmi ces gens-là, il y a les Khawarij. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « An-Nawasib, hum alladhina yunasibuna aliyan wa ahla baytihi al-adawa. Summu bin Nawasib, liannahum yunasibuna al-adawata li'ali, radiyallahu anhu, wa li'ahli baytihi. والواجب محبتهم أو والواجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني donc le Cheikh explique ici que les Nawasib sont ceux qui expriment leur animosité et leur haine de Ali radiallahu anhu et de sa famille. Hein? Et on les appelle Nawasib parce que justement ils montrent et ils exposent leur haine, hein, de Ali et de sa famille, alors que l'obligation c'est de les aimer. C'est une obligation de les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils sont des, parce que c'est un croyant, parce que c'est un sahabi, hein, parce que c'est un parmi les meilleurs d'entre les sahaba, hein, c'est le quatrième parmi les khulafa rachidin, et en plus de ça il a un lien de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est quelque chose qui fait en sorte que justement il a un mérite supplémentaire. Et yani, de la même manière également qu'il est obligatoire pour nous d'aimer tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qu'ils soient de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Ensuite, le cheikh il explique que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue donc cette citation, il dit لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. هذه فيها رد على الخوارج وعلى الروافض. الروافض يغلون في علي ويكفرون غيره من الصحابة. Donc ici, le cheikh explique que dans cette parole ici, Ibn Taymiyyah, il est en train de réfuter les Shia Rafida et en même temps les Khawarij, en disant que dans ce hadith, il n'y a pas d'argument pour les Rafida et encore moins pour les Khawarij non plus. Hein? Puisque les Rafida, hein, il tombe dans l'exagération à propos de Ali et il déclare tous les autres sahaba kuffar. Allah musta'an. Et les khawarij, eux, ils déclarent Ali radiallahu anhu kafir. Hein, et quand les rafidah utilisent ce hadith, eux, les khawarij, ils essaient de dire, par exemple, que cette glorification de Ali, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit du bien de Ali, quand il a dit il aime Allah et son messager, et Allah aime Allah et son messager, et il aime Allah et son messager, il dit ça c'est avant son apostasie. Il dit ça c'était des glorifications avant son apostasie. Allah musta'an. Donc c'est ça la réponse des Khawarij à l'argumentation que de ce qui est mentionné par rapport aux éloges qui sont faits pour Ali dans ce hadith-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit « هذا فيها رد على الخوارج وعلى الروافض. الروافض يغلون في علي ويكفرون غيره من الصحابة ويقولون فضائلهم التي جاءت في الكتاب والسنة هذه قبل أن يرتدوا ويحكمون على الصحابة بالردة والعياذ بالله والخوارج على العكس يكفرون عليا هؤلاء يغلون في علي وهؤلاء يفرطون في حق علي ويكفرونه وكلا الطائفتين ضالة منحرفة عن الحق والوسط يعني هو موالاة أولياء الله ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومحبة الخلفاء الراشدين بالخصوص ومحبة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالخصوص والصحابة يتفاضلون ويتفاوتون في الفضائل وكل يعطى حقه ولا يبخس من حقه شيئا فلا غلو ولا تفريط والواجب الوسط. Donc le cheikh il explique ici, il dit que les khawarij, il y a dans ce livre-là, dans ce hadith-là, une réfutation pour les khawarij et il y a une réfutation pour les rawafid. Et le cheikh, il explique que les rawafid, ils tombent dans l'exagération et dans l'extrémisme à propos de Ali, hein, parce qu'ils le vénèrent et ils le glorifient et ils tombent même jusque dans le shirk, hein, en l'élevant, hein, au-dessus de son degré. Et ils déclarent les autres sahaba kuffar, hein. Donc ça, c'est grave. Et ils disent que les éloges, parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui font l'éloge des sahaba, en dehors de Ali radiallahu anhu. Donc, même si dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il mentionne les mérites de Ali et les éloges de Ali radiallahu anhu, mais par exemple, les Shia, Rafida, ils vont essayer de mentionner ce hadith-là comme argument pour élever Ali radiallahu anhu, sauf que. En même temps, il faut le takfir des autres sahaba, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge des autres sahaba dans d'autres hadiths. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de ces hadiths-là? Pourquoi ils ne les acceptent pas? Hein? Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là sont, hein, sont dans la contradiction. Ils acceptent un hadith quand c'est dans leur sens, mais quand le hadith est authentique et qu'il contredit ce qu'ils croient, ils le rejettent. Donc ça, c'est un exemple. Et quand on leur ramène les hadiths qui glorifient les autres sahaba, ils disent, ça c'était avant l'apostasie, c'est-à-dire avant qu'ils apostasient. Parce que les Rafida, ils croient, les Shia Rafida, ils croient que les sahaba sont devenus mécréants après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont donné le khilafa à Abu Bakr au lieu de le donner à Ali, selon eux. Ça, c'est un acte de mécréance, et il croit donc par conséquent que tous les sahabas sont devenus mécréants à cause de ça. Et les Khawarij, ils font le contraire des Rafida, mais avec Ali, dans le sens que eux, ils considèrent que Ali, radiallahu anhu, est un kafir, hein, et ils disent l'éloge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de Ali dans ce hadith-là, c'était avant son apostasie. Donc, ils ont, hein, l'autre opposé des Rafida. Allah al-Musta'an. Donc, d'un côté, on a les Rafida qui exagèrent à propos de Ali. Et de l'autre côté, on a les Khawarij qui, eux, sont dans l'extrémisme, dans le rabaissement ou le fait de ne pas donner à Ali radiallahu anhu son droit et en le déclarant mécréant. Donc, les deux groupes sont dans l'égarement. Et sont déviés par rapport à la vérité. Et le juste milieu à ce sujet-là, c'est la position de Ahl Sunnah, c'est-à-dire yani, d'avoir de l'amour pour les alliés d'Allah et pour les rapprochés d'Allah parmi eux, Ali radiallahu anhu et les Sahaba, hein, et d'aimer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans exception, c'est-à-dire de tous les aimer. Pas juste d'aimer un ou certains d'entre eux, puis de détester les autres. Hein? Et il dit, et d'aimer en particulier les successeurs bien guidés parmi parmi les Sahaba, les Khulafa Rashidin, Abu Bakr, radiallahu anhu, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum ajma'in, et en particulier également d'avoir de l'amour en particulier aussi pour les proches ou la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les proches qui ont été des croyants. Ça aussi, hein, ça aussi c'est important parce que ça fait partie des choses qui ont été supportées et imposées par les textes et par la foi. Et le cheikh, il explique aussi ensuite de ça, il dit ومحبة الخلفاء الراشدين بالخصوص ومحبة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالخصوص et il dit et il faut savoir aussi que les sahaba eh bien ils ont des degrés parmi eux il y en a qui sont meilleurs que d'autres d'accord ils ne sont pas tous au même niveau dans la foi et dans les mérites qu'ils possèdent et il dit toutefois il faut donner à tous leurs droits. Et il ne faut pas brimer aucun d'entre eux dans quoi que ce soit de leurs droits. Et il ne faut pas tomber dans l'excès, ni dans le laxisme, ou dans le manquement vis-à-vis d'eux. Donc l'obligation pour nous, c'est d'être dans le juste milieu et d'éviter les extrêmes par rapport, hein, à ces questions-là. Donc ça, c'est l'exemple de yani le juste milieu des gens de la Sunna, hein, et des salafs, justement, par rapport à ces deux sectes d'égarement, les Khawarij et les Rafida, Shia Rafida. D'accord. Donc, on va continuer ensuite. L'autre point que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné ensuite, il a dit فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك. Hein? ولكن هذا باطل. Donc le cheikh il dit que donc les Khawarij ils disent à propos de Ali la même chose. C'est-à-dire que les Rafida, hein, ils disent les Sahaba sont des kuffars et les éloges à leur sujet c'était avant leur apostasie. Et les Khawarij ils disent à propos de Ali la même chose. Et le cheikh il explique. Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire, il dit, إذ قالت الرافضة إن الفضائل هذه للصحابة قبل أن يرتدوا hein, قالت الخوارج كذلك فضائل علي رضي الله عنه كانت قبل أن يرتد لأن الخوارج يكفرون عليا ويقولون ما له من الفضائل فهذه قبل أن يرتد فهم يردون على الرافضة بمثل قولهم في الصحابة. Donc c'est ça. Les Rafida, ils disent que les éloges qui ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les sahaba, c'était avant qu'ils soi-disant qu'ils apostasient. Parce que les Rafida, les Shia Rafida, ils croient que les sahaba ont apostasié ou sont sortis de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils disent qu'ils se sont ils n'ont pas respecté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner le khilafa à Abu Bakr pardon à Ali radiyallahu anhu. Donc ça c'est un mensonge déjà en partant. Et donc ils disent les sahaba sont devenus mécréants. Et les éloges qui ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à propos des sahaba, ça c'était avant hein, qu'ils apostasient, cet éloge-là. Tandis qu'après, on ne peut plus les accepter. Et les khawarij, ils répondent aux rafida par le même argument au sujet de Ali. Et ils disent, les mérites de Ali, c'était avant qu'il apostasie. Hein? Allah musta'an. Donc les deux sont dans l'égarement à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit ensuite, Naam. Il dit ensuite, فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُطْلِقُ مِثْلَ هَذَا الْمَدْحِ عَلَى مَنْ يَعْلَمِ اللَّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique que cet argument-là ou cette parole-là de la part des Rafida et de la part des Khawarij, dans les deux cas, c'est faux, hein, cet argument-là. Et pour quelle raison? Il explique Ibn Taymiyyah que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager ne vont pas faire ce genre d'éloge pour des gens alors que Allah subhanahu wa ta'ala sait que l'individu en question va mourir mécréant. Hein? Et c'est-à-dire que si quelqu'un va mourir mécréant, ça c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et par conséquent, il ne va pas révéler à son sujet ce genre d'éloge ou des éloges semblables. D'accord? C'est comme par exemple, si tu vois Abu Lahab, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le verset qu'il allait être dans l'enfer. Hein? Donc, c'est clair que c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala savait que cette personne-là allait mourir mécréante. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, a révélé des éloges à son sujet, eh bien, il ne va pas le faire mourir dans la mécréance. Hein? Et le cheikh il explique à ce sujet-là, cheikh Al-Fawzan, il dit la yaqulu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam an Ali yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu ala man ya'lamu Allah annahu yamutu kafiran kama taqulu al-khawarij qabahahum Allah. Donc le cheikh il dit donc le messager sallallahu alayhi wa sallam ne va pas dire à propos de Ali qu'il aime Allah et son messager et que Allah et son messager l'aiment pour des personnes que Allah sait que hein, il va mourir mécréant, contrairement à ce que disent les khawarij, que Allah les maudisse. Après le cheikh il dit le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, donc il continue son explication et il mentionne dans le hadith des éléments qui réfutent justement les gens de bid'ah et les sectes d'égarement. Dans ce hadith-là, il y a plusieurs points qui sont justement des arguments contre ces sectes. Alors, il clarifie ces exemples-là. Donc, il dit par exemple ici, وَفِيهِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ خِلَافًا لِلْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ إِعْطَاءِ الرَّايَةِ وَدَعْوَتِهِ أَهْلَ خَيْبَرِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَقِتَالِهِمْ إِذَا لَمْ يَقْبَلُوا وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية وقوله فقال أين علي ابن أبي طالب أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عن من سعى نعم. Donc ici le cheikh il explique que Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit donc qu'il y a dans ce hadith l'affirmation de l'attribut de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la secte des Jahmiyyah hein, et de ceux qui ont pris d'eux, parmi les autres sectes, comme les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyah, qui refusent d'affirmer à Allah l'amour. Hein, ils disent non, Allah il n'aime pas, parce que aimer, ils disent aimer c'est des caractéristiques de l'être humain, et si on attribue à Allah cette caractéristique-là, eh bien ça veut dire qu'on est en train de faire de l'anthropomorphisme et qu'on est en train de faire ressembler Allah à sa création, et par conséquent, il faut nier cela. Hein? Donc il l'interprète par-delà, par la volonté. Hein? Par la volonté. Et c'est bizarre de leur part de dire ça. Hein? Comme les ulama, ils ont expliqué. Ils ont dit, c'est bizarre de leur part de nier l'amour et d'affirmer la volonté, alors que l'être humain, il a aussi une volonté. Hein? Donc, si tu dis, on n'affirme pas l'amour parce que l'être humain, il a l'amour, donc on ne veut pas faire ressembler Allah à sa création, donc pourquoi dans ce cas-là, vous l'interprétez par la volonté, alors que l'être humain, lui aussi, il a une volonté? C'est étrange, des fois. C'est là que tu vois comment les gens de Bid'a se contredisent tout le temps. Hein? Et la réponse de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport à ça, c'est de dire que non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un amour qui lui correspond. Hein? Un amour qui lui correspond. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et donc l'amour qu'il a, c'est un amour qui est parfait. Qui n'implique pas l'imperfection que cela peut impliquer chez les créatures. Hein? De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté qui correspond à sa perfection, qui n'est pas comparable à la volonté des créatures. Hein? Et c'est là que tu vois qu'ils se contredisent, parce qu'ils disent non, quand on parle de la volonté, Allah, on affirme qu'il a une volonté, mais sa volonté ne ressemble pas à celle des créatures. Alors on lui dit, dans ce cas-là, pourquoi vous ne dites pas la même chose à propos de l'amour? Hein? Pourquoi faire une distinction entre la volonté et l'amour? Alors que les deux se retrouvent chez les créatures aussi. Donc ça, c'est une façon comment les ulama d'Ahl Sunna ont réfuté hein, les sectes d'égarement qui ont dévié à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, donc pour continuer l'explication ici, le cheikh il dit qu'il y a également dans ce hadith d'autres mérites, hein, d'autres belles qualités de Ali, radiyallahu anhu, parmi les choses pour lesquelles ou par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a distingué du fait qu'il lui a donné, dans cette bataille, il lui a donné la bannière. Dans d'autres batailles, il a donné la bannière à d'autres parmi les compagnons. Dans cette bataille-là, la bataille de Khaybar, il a donné la bannière à Ali, radiyallahu anhu. Hein? Donc ça, c'est un des mérites de Ali. Hein? Et également, le fait qu'il l'a envoyé pour inviter les gens de Khaybar à l'islam. Donc déjà, ça, c'est une grande éloge. Hein? Ça, c'est une tazkiya. Hein? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas donner à quelqu'un qui est pas apte ou quelqu'un qui est pas qui est pas qui a pas de connaissances suffisantes la responsabilité d'appeler des gens à Allah, hein? Surtout que ce sont des gens du livre, hein? Des juifs qui ont la connaissance de la révélation du livre qui leur avait été révélé, la Torah. Donc c'est des gens qui ont de la connaissance. C'est pas n'importe qui peut être envoyé pour appeler ces gens-là à l'islam. Donc ça, c'est la preuve que Ali radiyallahu anhu, il a du ilm, hein? Il a de la connaissance, il a de la compréhension, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait ça de lui. En même temps aussi, le cheikh, il explique que il a eu le mérite également, donc, de les combattre, si c'est-à-dire que s'ils acceptent pas l'islam, qu'il devait les combattre, et c'est ce qui s'est passé. Et il y a de nombreux prodiges qui ont eu lieu justement, qui ont été mentionnés par rapport à cette bataille-là, dans les livres des expéditions et des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que il y a dans ce hadith-là également le fait qu'il a été légiféré d'appeler les gens à l'islam et d'inviter les gens à l'islam. Et c'est ça même le but même pour lequel le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ce hadith-là dans le chapitre, parce que le chapitre, c'est le chapitre au sujet de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah. Et le fondement même de l'islam, c'est justement de témoigner que, hein, d'appeler les gens à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, hein, ce qui est la signification de la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 104 dans sourate Al-Imran qu'il y ait parmi vous un groupe qui invite au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Hein? Donc, le cheikh, il explique que donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé où est Ali radiyallahu anhu, il a répondu, les gens ont répondu, il se plaint d'un malaise aux yeux. Alors à ce moment-là, donc, le prophète a demandé qu'on le fasse venir. Et le cheikh, il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité comme exemple par rapport à ça que ça, c'est un élément qui établit la foi en le qadar, hein, la foi en le qadar. Puisque c'est quelque chose qui est prédestiné, et lorsque quelque chose a été prédestiné pour toi, eh bien, tu vas l'obtenir. Peu importe ta situation, ou peu importe que tu fasses des efforts pour l'obtenir ou non. C'est-à-dire que même si tu cours vers quelque chose et qu'il n'est pas prédestiné pour toi, tu ne vas pas l'obtenir, peu importe les efforts que tu fais. Tandis que si quelque chose n'a pas été prédestiné pour toi, même si tu fais. C'est-à-dire, si quelque chose a été prédestiné pour toi, même si tu t'enfuis de cette chose, elle va t'arriver et tu vas l'obtenir, même si tu n'as rien fait pour l'avoir. Hein? Non. Donc, pour expliquer ce passage-là, on va lire les petits commentaires que Cheikh Al-Fawzan a mentionnés pendant. L'explication par rapport à la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan au sujet des Jahmiyyah et de ceux qui ont nié les attributs d'Allah et l'affirmation de l'amour comme étant un des attributs d'Allah. Cheikh Al-Fawzan, il explique, donc il dit, يعني من صفات الله أنه يحب المتقين ويحب المؤمنين والمحبين. Donc ici, le Cheikh explique que parmi les caractéristiques et les attributs d'Allah, il y a le fait qu'il aime les pieux, il aime les croyants, il aime les bienfaisants. Hein? Et ça fait partie de ses attributs. Ensuite, il explique donc que en ce qui concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de Ali dans ce hadith plusieurs éloges et plusieurs belles qualités, comme le fait par exemple d'appeler les gens de Khaybar al-Islam. Et le Cheikh, il explique, il dit Al-Khasiyatul Ula, Annahu yuhibbuhu Allahu wa Rasuluhu, wa hadhihi shahadatu min ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lahu wal-Khasisa al-Thaniya. Ou la fadila thaniya, an Allah yaftah ala yadayhi. Donc il dit la première caractéristique dans le hadith, c'est que Allah et son messager l'aiment. Et que lui, il aime Allah et son messager. Donc ça, c'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Deuxième caractéristique, c'est que Allah va lui donner la victoire. D'accord? Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit wala يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المهمة إلا لأهليته وفضيلته رضي الله عنه. C'est-à-dire que le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم les a donné à Ali رضي الله عنه la tâche d'inviter ces gens-là à l'islam, alors que ce sont des rabbins ou des gens du livre, hein, des juifs qui ont une connaissance de la révélation précédente, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette tâche de les inviter à l'islam, c'est la preuve de son aptitude, hein, et de son mérite, hein, qu'il est capable de le faire. Ensuite, le fait que il les a appelés à l'islam, et que ça c'est le fondement le fondement de l'islam, c'est le témoignage de la ilaha illallah, et c'est pour cette raison justement que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce hadith là dans ce chapitre. Ensuite, il explique, le Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport au point que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait mentionné au sujet du Qadar, que Ali radiallahu anhu, contrairement à beaucoup d'entre les sahaba qui faisaient beaucoup d'efforts et qui souhaitaient, hein, être celui qui allait recevoir le drapeau et qui ne l'ont pas eu, alors que Ali radiallahu anhu, lui, qui n'a rien fait, hein, dans le sens qu'il n'a pas fait d'efforts pour savoir qui c'était et pour vouloir l'obtenir, puisqu'il était malade, hein, il n'était pas capable, donc il n'était même pas venu. Et c'était lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi, et que par conséquent, yani, puisque c'était quelque chose qui était prédestiné par Allah, c'est lui qui l'a eu, hein, même s'il n'a fait aucun effort pour l'avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui doit raffermir notre foi en la prédestination, hein, le fait de savoir que si quelque chose t'a été prédestiné et t'a été écrit, hein, dans la prédestination, alors peu importe, yani, tu dois avoir confiance que tu vas l'obtenir. Si Allah, il a écrit que tu vas être riche et que tu vas avoir des milliards, tu vas les avoir, même si tu n'as pas fait d'efforts pour les obtenir. Tandis que l'autre, qui a fait beaucoup d'efforts pour l'avoir et qui n'a rien, hein, eh bien ça c'est aussi par le qadar. Naam. Ensuite, le Cheikh, il explique, il dit قوله فأرسلوا إليه, أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, وفي رواية عن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. Donc il dit, le Cheikh, que Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, il a envoyé quelqu'un pour le chercher, Il a envoyé quelqu'un pour aller chercher Ali radiallahu anhu. Et dans Sahih Muslim, il y a une narration qui mentionne que c'était Sa'd ibn Abi Waqqas qui l'a ramené. Et une autre narration qui mentionne que c'était Iyas ibn Salama, selon son, une autre narration selon Iyas ibn Salama, selon son père, que celui qui l'a ramené c'était Salama. Radiallahu anhu. Ensuite, il dit وقوله فبصق في عينيه أي يعني تفلا أو تفلا قوله ودعا له فبرئ يعني فهو بفتح الراء أو فبرأ نعم بفتح الراء والهمزة أي عوفية في الحال عافية كاملة وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له وفيه علم من أعلام النبوة أيضا وكذلك يعني كله بالله ومن الله وحده وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa salive, il a mis de sa salive dans ses yeux. Hein? Donc le terme basaka, basaka ça veut dire cracher. Hein? Et donc il a craché ou postillonné dans son œil. Et il a fait une invocation pour lui. Il a fait une invocation pour lui. Et il a été guéri sur le champ. Il a été guéri sur le champ. Et le cheikh, il dit donc que dans le hadith, il y a la mention qu'il a fait une invocation pour lui, pour qu'il soit guéri, et Allah l'a exaucé. Donc il y a dans ça également un des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des preuves de la prophétie, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète véridique. Et il dit, tout cela, c'est par Allah, et par par le pouvoir d'Allah seulement. C'est-à-dire que tout miracle qu'un prophète accomplit, ce n'est pas par lui-même qu'il le fait, mais c'est uniquement par la permission d'Allah. Et parce que Allah, c'est lui qui détient le pouvoir de profiter ou de nuire. Et personne en dehors de lui, ou quoi que ce soit, il n'y a rien ou personne en dehors de lui qui puisse profiter ou nuire dans l'univers. Et de même que le fait de donner ou d'empêcher que quelqu'un ait quelque chose, et il n'y a rien qui mérite d'être adoré dans la création, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de seigneur autre que lui. Ensuite, la suite du hadith, hein, on va continuer cette explication-là au prochain cours, inshallah, demain. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va compléter, on va terminer le hadith, et on va commencer, inshallah, le prochain chapitre, puisqu'on est à la fin du hadith. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.